L'un des mots les plus utiles aux voyageurs, quel que soit le pays, le mot toilette ou WC, qui se dit en chinois. Ce, so, doigt noir pointé vers le sol, so, V rouge de la victoire, ce, so, pour dire toilette. Et la première partie de ce mot se dit en réalité comme un TS. Ce, ce, ce, so. V rouge de la victoire. Alors, comment dites-vous toilette? Ce, so, ce, ce, so, so, oui. Et vous, comment dites-vous toilette? Ce, so. Ce, so. Alors, imaginez une mouche tsetse qui tourne autour de ce seau de toilette. Hein, mieux vaut ne pas s'en approcher. Alors dites-moi, où sont les toilettes? Les toilettes? Ce, so. Se trouve où? Zai, na. Où sont les toilettes? Ce, so, zai, na. Où sont les toilettes des hommes? C'est-à-dire les hommes toilettes. Nan, ce, so. Où sont les toilettes des hommes? Nan, ce, so, zai, na. Où sont les toilettes des femmes? Littéralement, les femmes toilettes. Nu, ce, so, zai, na. Où sont les toilettes des femmes? Nu, ce, so, zai, na.